Yeah. Ooh, ooh, ooh. Yeah. Tout ce qu'elle veut c'est plaire. Elle ne demande que ça, seule pour s'assumer. Indépendant tout, son cœur elle peut donner. Mais elle le donnera qu'une fois, peu d'hommes l'ont touché. Son amour se fera. Angela, Angela est pressée. Angela, Angela veut qu'on l'aime. Angela, Angela est pressée. Angela, Angela veut qu'on l'aime. Let's go. On parle que de toi, quand tu passes il reste tétanisé par ta beauté. Certains donneraient tout juste pour marcher à tes côtés. Rencontrer ta mère et te valider, c'est ça l'idée. Dis-nous comment faire pour te faire oublier ce qui s'est passé. J'aimerais parler de ton avenir, pas de ton passé. Derrière ce charisme se cache une femme plutôt fragile. T'inquiète pas, personne te jugera, je sais que c'est pas facile. Je veux baisser les avant-temps, t'en raconte-moi. Dis-moi si t'es fier de ce que tu vois dans ton miroir. Comme ces hommes dans ton futur, moi, oui, je m'y vois. Et je te raconterai peut-être la suite de ton histoire. Tout ce qu'elle veut, c'est plaire. Elle ne demande que ça, celle pour s'assumer. Indépendant pour moi, son cœur, elle peut donner. Mais elle ne donnera qu'une fois, peu d'hommes l'ont touché. Son amour se fera. Angela, Angela est pressée. Angela, Angela veut qu'on l'aime. Angela, Angela est pressée. Angela, Angela veut qu'on l'aime. Let's go. Tu marches comme si t'étais pressé. Je te dis c'est pour ton bien, moi je ne veux pas te vexer. Calme-toi, regarde-moi, faire bonne figure, j'essaie. T'es déçu des hommes, pas besoin de le dire, je sais. Fais un effort, pense à autre chose, oublie ça. Personne n'est parfait, Angela n'est pas une fille sage. Faut tourner la page, le prochain sera peut-être fait pour toi. Te retenir, pourquoi t'es promis pas juste pour voir. Ne reste pas méfiant, prends ton temps, suffit d'y croire. Ne ferme pas ton cœur, tu vas passer à côté d'une perle rare. Ne reste pas méfiant, prends ton temps, suffit d'y croire. Nous ne sommes pas tous les mêmes, écoute-moi, suis-moi, tu verras. Tout ce qu'elle veut c'est plaire. Elle ne demande que ça, celle pour s'assumer. Indépendant pour moi, son cœur elle peut donner. Mais elle ne donnera qu'une fois, peu d'hommes l'ont touché. Son amour se fera. Angela, Angela est blessée. Angela,